J'ai 40 ans, plutôt joli, j'ai 40 ans. Et tout le temps qu'il faut pour voir passer ma vie. J'ai un métier, j'ai des amis, et près de moi un homme la nuit. Je suis heureuse, évidemment, mais je n'ai jamais pris le temps de lui faire un enfant. J'ai 40 ans, je passe Noël chez mes parents. Quand j'étais jeune et sans verrou, j'ai 40 ans. Je n'y pensais pas beaucoup, j'avais du temps pour tout. Et puis ce soir, comme tous les soirs, étendu près d'un homme la nuit. Un homme qui m'aime tout simplement. Mais je n'ai jamais pris le temps de lui faire un enfant. J'ai 40 ans, je passe Noël chez mes parents. J'ai 40 ans, plutôt joli, j'ai 40 ans. J'ai juste assez de temps pour voir passer ma vie. Mes amitiés, elles sont parties, et près de moi un homme s'ennuie. Un homme qui m'aime et qui attend que je décide d'avoir le temps de lui faire un enfant. Et à Noël, je ferai venir ses parents. Et à Noël, je ferai venir ses parents.